Ahora les ofreceremos las opiniones de una personalidad de Rusia sobre el ultimátum de la Comandancia Suprema del Ejército Popular de Corea. El pasado día 16 de abril, la Comandancia Suprema del Ejército Popular de Corea envió a los títeres surcoreanos el ultimátum en reflejo de la voluntad del ejército y pueblo de Corea de castigarlos despiadadamente por sus crímenes inauditos de haber quemado el Día del Sol los retratos, símbolo de la máxima dignidad de nuestra república. Al respecto, Wajin Kujimin, presidente de la Asociación por la Promoción de Estudio y Difusión de Obras del Camarada Kim Jong-il en Rusia, expresó. Las acciones de las autoridades surcoreanas demuestran su vileza y son comportamiento anormal a escala mundial. Es decir, la postura contraria a la moral y ley. Es indudable que los generales de Monte de Tuzinsar son padres del pueblo coreano. Este les enaltece como maestros, como seres más entrañables y como padre. Comprendo a la perfección la indignación e ira de los militares del Ejército Popular de Corea sobre tales acciones de las autoridades fantoches. Y considero lógico también la indignación del pueblo coreano. Insultar al padre de la nación es un comportamiento inimaginable, aún en vista de la ética del pueblo en cualquier país. Cada nación cuenta con algo más precioso al que considera sagrado. No deben insultarlo en ningún caso. He experimentado que la indignación de los uniformados y la población, sin distinción del sexo y la edad, ha llegado al límite intolerable. Como saben todos, Sur Corea está ocupada por Estados Unidos a lo largo de más de medio siglo, pero no puede pronunciar ni una palabra sobre su independencia. Por tal motivo, ellas han entrado en tal camino inaudito de insultar la máxima dignidad del norte. Enviamos un activo apoyo a los coreanos levantados bajo la orientación del comandante supremo para sacar la cuenta general con los fantoches surcoreanos. Francamente dicho, desde el punto de vista de la moral y ley, Sur Corea, donde no existe la soberanía, está ocupada y ha perdido su independencia. Su dueño está allende del océano. Despachó sus tropas para ocuparla y la domina en el verdadero sentido de la palabra. Por eso las acciones de los peleles surcoreanos se controlan por Estados Unidos, dueño del todo. Al juzgar en tal sentido, considero mil veces justo lo que el mariscal Kim Jong-un presentó el lineamiento de desarrollo simultáneo de la construcción de la economía y las fuerzas armadas nucleares en la sesión plenaria del marzo de 2013 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Hemos ofrecido opiniones de una personalidad de Rusia. Aquí Pyongyang. El fusil del Songun no sabe caridad. Esta es la canción que ustedes escucharán a continuación. Yeah. Ahora les ofreceremos la pieza musical Nuestra Marcha. Aquí finaliza nuestra emisión en lengua española de La Voz de Corea, que se transmite desde Pyongyang, la capital de la República Popular Democrática de Corea. La siguiente emisión para Centro Sudamérica podrá escucharse de las 3 a las 4 y de las 5 a las 6, tiempo universal coordinado, a través de 11.735 kHz. 13.760 kHz y 15.180 kHz. Hasta nuestro próximo encuentro. Aquí La Voz de Corea. La voix de la Corée. La voix de la Corée. La voix de la Corée. La voix de la Corée. Chers auditeurs, cette émission en langue française se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée. Veuillez écouter tout d'abord le chœur mixte, le chant du général Kim Il-sung. Vous allez écouter ensuite le chœur masculin, le chant du général Kim Jong-il. Ici la voix de la Corée, et voici à présent, chers auditeurs, notre joint à parler. À l'occasion de la journée du soleil, le président national du Parti pour la Patrie Libre du Brésil, Sergio Wenste Araújo Torres, a envoyé un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Il a noté qu'on se souvient de l'ardent esprit patriotique, l'amour envers le peuple et la contribution pour l'humanité du grand leader Kim Il-sung, et qu'il restera toujours envers le peuple coréen et les peuples du monde. Il a écrit aussi que tous les militants de son parti félicitent le camarade Kim Jong-un qui continue le courage et la juste œuvre des généraux Kim Il-sung et Kim Jong-il. À la fin, il a noté que le Parti du Travail de Corée l'emportera sur les troupiers américains occupant de la Corée du Sud, défendra la paix de la péninsule coréenne et obtiendra la réunification de la patrie grâce à la puissance de Sung-un. À l'occasion de la journée du soleil, du 20e anniversaire de la promotion du dirigeant Kim Jong-il au poste de président du comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et du 1er anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste suprême du parti et de l'État, du 12 au 15 courant, les rassemblements de célébration ont eu lieu au Bangladesh, en Pologne et en France. Dans les salles de cérémonie, on a exposé les photos des immortels exploits du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il, et les œuvres classiques des grands hommes coréens et du maréchal Kim Jong-un, ainsi que les publications montrant le vrai profil de la Corée de Sung-un. Y ont participé les personnalités du Comité international de liaison pour la réunification et la paix en Corée et les habitants des pays autres. Au rassemblement tenu en Pologne, les participants ont adopté un message de félicitations adressé au maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, les rassemblements, les colloques, les séminaires, les séances de films et les expositions de livres, de photos et de beaux-arts ont eu lieu dans divers pays comme Grande-Bretagne, Roumanie, Mongolie, Vietnam, Cambodge et Ouganda à l'occasion de la journée du soleil. À l'occasion de la journée du soleil, les floralies de Kim Jong-ilia ont eu lieu à Nakhodka de la Russie. Dans la salle de cérémonie, on a exposé les photos des activités révolutionnaires et les œuvres classiques et immortelles du maréchal Kim Jong-un et autres œuvres classiques du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les publications montrant la Corée de Sung-un. y ont participé les personnalités des administrations du territoire maritime, des villes de Nakhodka, de Pokino et d'Artyom de la Russie, et du Parti de la Russie Unie, du Parti communiste de la Fédération de Russie, et du Parti de la Russie Juste et autres habitants du pays hôte. À l'occasion de la journée du soleil, les revues et les journaux de divers pays ont fait des rédactions spéciales avec le portrait en sourire du président Kim Il-sung et les photos du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. La revue hongkongaise de Chine, Les Relations Internationales du mois d'avril, le journal russe Khabarovsky Express en date du 10 au 17 courant, le journal mexicain Unidad Nacional du 31 mars, le journal péruvien Acción Nacionalista du mois d'avril ont publié les écrits à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des espoirs immortels du président Kim Il-sung sous divers titres comme Kim Il-sung, éternel président de la République populaire démocratique de Corée. Par ailleurs, toujours à la même occasion, les pages internet de l'Association d'amitié Suède-Corée, du Comité péruvien pour la mémoire du généralissime Kim Jong-il et du Comité national d'études des exjugés du Nigéria ont présenté les écrits exaltant la vie immortelle du président. Toujours à l'occasion de la journée du soleil, le journal patriote de Russie a édité le livre « La grande unité monolithique ». Le livre présente les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et la photo du maréchal Kim Jong-un. Il contient les écrits sous divers titres comme « Leader de la nation, fils du peuple » et « Il a tout consacré sa vie pour le peuple » et les poèmes des personnalités de diverses couches de Russie à l'éloge des immortels exploits des généralissimes. La cérémonie de parution a eu lieu le 12 au journal Patriote. La cérémonie de constitution de l'Association pour la matérialisation de la philosophie du Juche du Congo démocratique s'est tenue à l'arrondissement de Matete de la ville de Kinshasa. Dans la salle de cérémonie, il y avait les portraits des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il. Et on prépare les personnalités du Comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique et les adeptes des idées du Juche. On y a adopté tout d'abord les statuts de ladite association et élu les membres de son comité de coordination. Les orateurs ont appelé les organisations d'études des étudiants et leurs adeptes à dynamiser l'étude et la propagande du kim-sunisme, kim-jongilisme, ainsi que les activités d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen. À l'occasion du 121e anniversaire de naissance de Madame Kang Ban-so, combattante révolutionnaire inflexible et éminente femme dirigeante du mouvement des femmes coréennes, sa statue en bronze au haut lieu révolutionnaire de Tilgol et sa tombe à Mangyondé ont été fleuries le 21 avril. La couronne mortuaire envoyée par le maréchal Kim Jong-un, première secrétaire du Parti du Travail de Corée, première présidente du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, y a été déposée. Aux cérémonies, on prépare les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les officiels des organismes du parti et du pouvoir et des organisations des travailleurs, les fonctionnaires des ministères et établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée ainsi que les habitants de la ville de Pyongyang. Les couronnes mortuaires au nom du comité central du parti du travail de Corée, du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet de la République populaire démocratique de Corée sont déposées devant sa statue et sa tombe. Ensuite, les couronnes mortuaires des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux, des écoles militaires, des établissements d'enseignement, des écoles révolutionnaires, des organismes du parti et du pouvoir, des fermes de la ville de Pyongyang y sont déposées également. Les participants ont gardé un moment de silence à la mémoire de la vie et des exploits de Madame Kang Ban-so. Les joueurs coréens ont obtenu la médaille d'argent dans la catégorie C du championnat mondial de hockey sur glace de la Fédération internationale de hockey sur glace 2013. Tenu du 15 au 21 avril en Afrique du Sud, le championnat a livré les matchs en poule entre la Corée, l'Afrique du Sud, le Luxembourg, l'Irlande, la Grèce et les Émirats arabes. Les Coréens ont battu l'équipe des Émirats arabes par 5 à 3, le Luxembourg par 5 à 2, la Grèce par 7 à 1 et l'Irlande par 2 à 1 et a perdu le match avec les Sud-Africains par 1 à 4. Ils se sont ainsi classés deuxième dans la catégorie C. En Corée du Sud, les gens pour la paix et la réunification se sont réunis le 15 à Séoul devant l'ambassade américaine pour la 163e action en faveur de la réunification indépendante et de la paix, pour dévoiler et condamner la politique d'hostilité des États-Unis contre la Corée. D'autre part, la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, le conseil du mouvement des familles pour la démocratisation, la société pour les prisonniers consciencieux du dit conseil, le syndicat Chun-Tae-il, la solidarité de souvenirs, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté, ainsi que d'autres formations civiles et sociales, ont entrepris le 17 à Séoul devant le commandement des troupiers américains d'occupation de Corée du Sud l'action de mercredi contre la guerre pour la paix et le retrait des Juaïs. Toujours le même jour, la direction de presse et la direction des sciences du Comité Sud pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin ont lancé une déclaration conjointe pour écarter la crise de la péninsule coréenne à travers l'interruption du simulacre de guerre et la conclusion de l'accord de paix. L'hebdomadaire sud-coréen Média d'aujourd'hui a révélé le 17 les démarches scélérates du Japon pour empêcher la paix dans la péninsule coréenne. L'ultimatum du commandement suprême de l'armée populaire de Corée a été rapporté du 16 au 19 avril par la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong et le quotidien de Dandong de Chine, les revues d'internet Mardus, Hanbei Journal et Rimchichi et le journal Suluj Ochechestov. Le home page d'internet du groupe de solidarité envers la République populaire démocratique de Corée et autres organisations de Russie, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, le journal Odrin Sonin de Mongolie, les agences de presse IRNA et PARS et la télévision presse de l'Iran, la télévision Sovromata et les journaux Nepal Today, Afan et Weekly Mirror du Népal, la télévision singapourienne Chaîne de l'Asie, le home page d'internet du Parti communiste argentin, le journal brésilien Hora do Povo et l'Uruguayen La Juventud. Les meetings et la manifestation contre les menées d'agression des impérialistes américains pour la suppression de la République populaire démocratique de Corée se sont déroulés le 14 courant devant l'ambassade américaine en Russie sous la participation des députés de la Douma, des personnalités du Parti communiste de la Fédération, du comité de la ville de Moscou, de l'Union de la jeunesse communiste de Lénine, du groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de Russie et autres habitants. Les participants portaient les drapeaux du Parti du Travail de Corée et de la Russie, les pancartes « Non à l'agression, à la menace et aux menées de dénaturation » et autres affiches illustrées soutenant notre République. À la suite des interventions, on y a adopté une déclaration. Les participants ont foulé aux pieds et déchiré le drapeau des États-Unis et condamné vertement les impérialistes américains qui amènent le nuage de guerre nucléaire dans la péninsule coréenne. Par ailleurs, le 15 courant, la population de toutes les couches ont manifesté devant l'ambassade coréenne en Russie avec les mots d'ordre « Oui à la République populaire démocratique de Corée » et « Non aux agresseurs américains ». L'agence de presse russe Lia Novosti a traité le 15 courant un commentaire « Célébration de la victoire de la Corée » écrit par Ivan Zakharchenko, son envoyé spécial aux États-Unis. Le commentaire énumère que la Corée a possédé la force de dissuasion nucléaire pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité du pays face à la politique d'hostilité américaine de la Corée du Sud contre la République populaire démocratique de Corée qui devient de plus en plus ouverte et que cela sert d'exemple excellent pour les pays liés au nucléaire qui sont l'objet de l'ingérence internationale. Les organisations philippines, dont le Comité de solidarité pour la paix et la réunification dans la péninsule coréenne et le Comité préparatoire pour la célébration du 60e dans la grande victoire de la guerre de libération de la patrie du peuple coréen, ont publié une déclaration commune contre les manœuvres de guerre nucléaire des impérialistes américains visant à étouffer notre République. Et voilà maintenant terminé notre journal parlé. Merci de l'avoir suivi avec attention. Nous vous présentons l'ensemble vocal féminin, nous lui confions et le destin et l'avenir. Et voici la musique d'orchestre, les nouveaux pas. Veuillez écouter le solo vocal et le chœur masculin. La Corée fait tout ce qu'elle décide. La voix de la Corée. Voici une note de visite au musée des Beaux-Arts de Corée. J'ai visité un jour le musée des Beaux-Arts de Corée situé au bord du fleuve Taedong. Là, j'ai rencontré le chef de bureau d'études scientifiques, qui était ma vieille connaissance. Il m'a interrogé avec quel sujet j'élaborais un article. Je lui ai répondu que j'écris sur l'idée révolutionnaire de Sangun, disant que les tableaux de peinture aideront à enrichir ma pensée. Il m'a conduit à la salle de conservation des ouvrages. Là, un tableau sort à mes yeux. C'était la peinture coréenne de M. Yoo Jae-gyun en date de l'an 56 du 8e 1967, ce thème. Le président Kim Il-sung reçoit les pistolets de son père. Le chercheur m'a dit à travers ce tableau que pour expliquer les idées de la révolution mues par le Sangun, il faut tout d'abord éclaircir leur origine. Devant ce tableau de peinture, je me suis rappelé une photo. C'était une chambre dans la rue de Fuson que j'avais vue dans les mémoires du président Kim Il-sung. Rappelons que le 5 juin de l'an 15 du 8e 1926, C'est dans cette chambre que M. Kim Hyun-ji, éminent dirigeant du mouvement anti-japonais pour la libération nationale, est père du président Kim Il-sung, a quitté le monde au vif regret de tous les Coréens. Il a alors laissé comme patrimoine des revolvers. Écoutons la conférencière Kim Sung-myeon du Musée des Beaux-Arts de Corée. Il ne faut jamais se retirer de la voie de la... A un país se tiene que adaptar a lo que nosotros tenemos, porque yo vine de Venezuela y yo me adapté aquí. O sea, la educación que me dio mi padre y mi madre es la respuesta. All'Arabi e con l'inviato speciale dell'ONU e della Lega Araba in Siria, Lakhdar Ebrahimi, discutendo sulle modalità d'avvio del processo politico in Siria. Intanto il 22 aprile i ministri degli esteri dell'UE hanno incontrato nel Lussemburgo, durante una riunione, i ministri degli esteri dei 27 paesi. Thank you. pubbliche tra le 46.000 e 500 case del distretto di Baoxia, quasi tutte sono rimaste danneggiate. Inoltre, a causa del Thank you.